exprime son tempérament juste par des voix et principes uniques, n'étant pas sous le contrôle des gens, événements ou des choses. Nul ne peut changer ses idées, ses pensées, le persuadé de changer ses décisions. C'est la nature unique du Créateur, son tempérament de justice, son tempérament de justice. Dieu juge par son tempérament juste les pensées et actions de la création. Sur cette base, il montre sa colère ou fait miséricorde. Nul ne peut changer sa miséricorde, sa colère. Seule son essence peut les décider. C'est là. Le tempérament juste de Dieu est saint et unique. Il ne peut violer ou douter de cela. Aucun être, créé ou non, ne peut le posséder. La colère de Dieu est sainte, elle ne peut être offensée. Sa miséricorde possède la même nature, c'est la.